après-midi à l'écoute de nos programmes. À demain, voici Histoire vivante. Histoire vivante en nouvelle diffusion, proposée par Jean Leclerc et Frédéric Piffer. Aujourd'hui, rencontre avec Constance Colonna Cesari, réalisatrice du documentaire Urbi et Orbi, la diplomatie du Vatican. Voulez-vous bien vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, s'il vous plaît ? Alors, je suis Constance Colonna Cesari, je suis journaliste et réalisatrice et j'ai pour spécialité en fait de m'intéresser depuis très longtemps à la géopolitique du Vatican, c'est-à-dire son action temporelle, on va dire. Mais ça vous est apparu comme ça, comme une nécessité, à la suite de quelle occasion, de quel tournage peut-être, ou de quelle recherche ? Oh, c'est plus lointain que ça, j'avais achevé mes études à Rome, j'étudiais à l'époque l'histoire des relations internationales contemporaines, et donc j'avais trouvé un sujet d'étude qui me rapprochait de cette ville fascinante qu'est Rome. C'était un peu un alibi à l'époque, je l'avoue. Et enfin, vous avouez. J'avoue déjà, en début d'émission. Et donc, un sujet s'offrait à l'étude pour les historiens, qui était les relations entre la France et le Saint-Siège, à une période donnée, après-guerre, disons, de 1944 à 50, et ces archives, ces courriers, ces dépêches diplomatiques devenaient libres, ouvertes à la consultation des historiens. Et donc, je m'étais emparée de ce sujet. Je me suis installée à Rome à l'époque et j'ai donc fouillé les cartons de l'ambassade de France près de Saint-Siège, la magnifique Villa Bonaparte pour ceux qui connaissent. Et pendant un an, voilà, j'ai fouillé et ça m'a permis de découvrir une réalité d'une église catholique agissant non pas comme église, puisque c'est pas son aspect religieux, spirituel, qui m'intéressait dès cette époque, mais agissant sur la sphère des relations internationales. Alors à l'époque, dans les années après-guerre, c'est très intéressant parce que ces ambassades, toutes ces ambassades, il y en avait beaucoup moins qu'aujourd'hui, avaient des relations avec les États qui s'inscrivaient dans un cadre de relations bilatérales. Et aujourd'hui, mais ça depuis le pontificat de Jean-Paul II, on est passé vraiment à une action multilatérale. Donc l'intérêt des ambassades accréditées au Vatican, c'est de s'associer à cette capacité qu'a l'Église, voilà, de s'inscrire sur la scène des relations internationales de façon beaucoup plus multilatérale. Mais à l'époque, dans les années 50, c'était De Gaulle a dit ça, Pidouze a dit ça, on n'est pas content, on renvoie le nonce à Paris parce qu'il a été un ancien collaborateur ou qu'il est jugé tel, vous voyez, des choses comme ça, l'épuration épiscopale des événements qui peuvent perturber une relation entre deux États, en l'occurrence la France et le Saint-Siège. La plupart du temps, Constance Colonna Cesari, vous aviez affaire, dans ce type de recherche et d'études, à quel genre de documents ? Est-ce que ce sont des documents frappés du sceau de l'officialité et se répétant d'une certaine manière les uns les autres de manière à peu près constante, ou bien toutes sortes d'objets ? Alors moi, j'étudiais pour ce mémoire donc de maîtrise des relations internationales les archives des ambassadeurs de France au Vatican. Donc, Jacques Maritain. Donc, des rapports à peu près. Voilà. Donc, en plus, c'est des grandes personnalités. Jacques Maritain, suivi de Vladimir d'Ormesson. Mais derrière, évidemment, il y avait un aspect où je me documentais en approchant la vision de l'Église elle-même, ses documents. Mais là, j'avais pas eu accès, vous voyez, à des choses qui s'ouvraient, qui étaient nouvelles et offertes à la consultation des historiens, d'autant que j'étais une historienne débutante. En fait, j'étais juste, voilà, je finissais un mémoire de maîtrise. Et ceci, vous l'avez travaillé durant combien d'années ? Un an. Une année. Voilà. Oui. En étant installé à Rome, en étant accueilli à l'intérieur de la Villa Bonaparte, et en ayant le loisir de fouiller donc dans ses dépêches, ses câbles diplomatiques, ce que par exemple Jacques Maritain, grand philosophe, thomiste, grand personnage, qui vivait en plus à Troyes dans cette ambassade avec sa femme, une poétesse russe, et la sœur de sa femme, qui étaient considérés comme des gens un peu, enfin peu ordinaires. Quand on pense à l'affaire aujourd'hui, je fais une aparté déjà, mais vous savez, de la candidature d'un diplomate homosexuel au poste d'ambassadeur de France au Vatican, et l'affaire que ça a fait, le scandale et la vacance qui s'en est non, suivi. Nous on n'est pas suffisamment à jour parce qu'on n'est pas comme vous systématiquement le nez plongé là-dedans. Mais pour ceux qui nous écoutent, faites-nous un petit peu le résumé de l'affaire. Donc en 2015, Bruno Joubert, qui était l'ambassadeur de France au Vatican, est rappelé à Paris parce que l'Élysée veut nommer à sa succession quelqu'un qui s'appelle Laurent Stefanini, qui a déjà travaillé comme premier conseiller, je crois, enfin un poste dans cette ambassade de France au Vatican, mais qui présente l'inconvénient pour le Saint-Siège d'être officiellement homosexuel. Ça fait une affaire d'État. Le Saint-Siège considérant que c'est une forme de lobbying, l'Élysée considérant que il a affaire à un chantage de la part du Saint-Siège qui voudrait qu'on retire cette candidature. Donc les deux finalement s'arc-boutent sur leur position. Et on aboutit quand même à quelque chose qui a aucune raison d'être, c'est-à-dire que le poste à la Villa Bonaparte est vide pendant un an, jusqu'à la nomination de Philippe Zeller, qui intervient donc à l'été 2016, mais pendant un an il n'y a eu personne parce que les relations étaient très tendues. Et ce qui a favorisé le rapprochement et le fait qu'on tourne la page, c'est quand même, et c'est là qu'on voit qu'il y a des relations bilatérales qui peuvent être compliquées entre, par exemple, la République française laïque, qui est fière de l'être et qui n'a pas de leçons à recevoir de l'Église et qui le dit sur des sujets comme ça. Donc parfois les relations s'enveniment, comme ça a été le cas. Personne ne veut céder, puisqu'on a des principes à défendre comme l'Église en a et un message à répandre aussi. Et soudain, assassinat du père Hamel. Et là, cette dimension tragique, le fait que François Hollande découvre à ce moment-là que l'Église, ce corps social dans la société française, a un intérêt, parce qu'il prêche pas à la haine, au contraire, ça se passe très bien après, à Saint-Étienne-du-Rouvray, toutes ces cérémonies, il y a une dimension d'apaisement qui est offerte par les catholiques, et c'est intéressant pour François Hollande de le faire remonter sur le devant de la scène politique. Et dans ce contexte, il va à Rome, il rencontre le pape, et l'affaire de la Villa Bonaparte trouve soudain un règlement. Pour vous dire que voilà, les relations bilatérales, elles peuvent quand même ressurgir. Une hypothèse de travail à l'écoute de cette histoire, Constance Colonna Cesari, c'est selon le pape et sa personnalité, cette issue-là aurait-elle été la même ? Je m'exprime peut-être plus précisément. Si ça avait été l'ancien cardinal Ratzinger, est-ce que l'issue de ce rapprochement entre une république laïque hexagonale et française, voulant effectivement, acceptant d'une certaine manière la proposition vaticane, se serait-elle traduite en souplesse, ou y aurait-il eu encore des difficultés d'accommodement ? Alors, justement, c'est très étonnant de voir que sous le pontificat de Jorge Mario Bergoglio, on arrivait là, puisque son travail, c'est quand même sur bien d'autres terrains que cela, que cette guerre de position avec les institutions, les états laïcs, les lois des démocraties libérales, mal jugées, évidemment, pour le Saint-Siège. Il y avait tout ce débat autour des valeurs dites non négociables de l'Église. Et ça, ça occupait le terrain des années du pontificat de Jean-Paul II à celui de Benoît XVI. Et évidemment, on bataillait systématiquement à Bruxelles, partout, dans chaque pays, par des jeux de lobbying contre des lois sur l'embryon, etc., la recherche, la bioéthique, contre l'euthanasie, contre l'avortement, etc. Or, ces terrains-là sont passés derrière d'autres priorités, sauce pontificale. Par exemple, c'est très net dans les positions que prend ce pape vis-à-vis de l'Europe. Alors que je vous disais, on parlait que des valeurs non négociables pour l'Église. Et aujourd'hui, c'est vraiment la question des migrants qui a pris le dessus de cet égoïsme de l'Europe, de l'Union européenne sur ces questions-là, sous ce pontificat. Mais, bizarrement, là, en effet, on a quand même eu une affaire franco-vaticane entre ce pape François qui est pas arc-bouté sur ses positions et sur ces guerres-là, mais ça s'est produit, ça prouve qu'il y a un entourage qui derrière les papes maintiennent en fait des choses comme ça et des guerres, et ce pape ne fait pas tout, donc il a pas laissé finalement lui la France, parce que ça aussi on le comprend sous ce pontificat, comme vous dites, chaque pape crée de toute façon des politiques, des échanges qui sont infléchis chaque fois par la personnalité ou la nationalité d'un pape. C'est très important. Et c'est d'autant plus important quand les papes sont polonais, bavarois, parce que c'est pareil, c'est pas une dimension neutre à l'intérieur de l'État allemand, ou évidemment argentin. Constance Colonna Cesari, vous venez au micro d'Histoire Vivante pour présenter votre documentaire. On a compris dans la première partie de cet entretien à quel point ce dossier à la fois vous était cher et d'une certaine manière que vous le maîtrisiez relativement bien, sachant le temps que vous y avez passé. On parle là de relations qui sont d'abord des relations essentiellement contemporaines, post-Seconde Guerre mondiale au XXe siècle, et puis désormais contemporaines avec la géopolitique qui est contenue dans votre documentaire, dont vous nous direz le titre. Cependant, ce documentaire-là s'ouvre avec des images qui parlent largement d'un temps plus ancien. Alors, je vais vous laisser faire la présentation. Bien sûr, il y a toujours la surprise à réserver pour le téléspectateur, mais le téléspectateur va être justement surpris par la beauté de ces images. Néanmoins, histoire de donner un petit peu envie, les gens n'ont pas encore vu, en démarrant par le titre de votre documentaire, dites-nous un peu comment ça s'ouvre, ça. Alors, ça s'ouvre sur cette place. D'abord le titre, comment ça s'appelle le titre ? Urbi et Orbi, la diplomatie du Vatican. Ou encore, pour d'autres versions, les diplomates du pape. Puisque, voilà, on veut montrer résolument quelle va être l'action du pape dans l'actualité aujourd'hui, mais qu'elle s'assoit aussi sur une tradition, puisque aucun des pontificats n'est totalement révolutionnaire de l'appareil. Il y a une continuité. Il y a une continuité, il y a une tradition. Et chaque pape, on va dire, fait remonter des priorités qui sont les siennes, qui sont ses grands dossiers, qui sont, voilà, ses volontés d'agir, on va dire, par exemple, les migrants. Mais donc, ce pape, voilà, se moule dans cet appareil, dans cet état qui est fascinant, et comme vous le disiez aussi pour ses décors. Donc, dès l'introduction, j'ai voulu qu'on soit propulsé, que le téléspectateur soit propulsé à ce qu'on appelle les troisièmes loges des palais apostoliques, où se fabrique cette diplomatie du Vatican, parce que c'est le siège de la seconde section de la secrétaire d'État. Donc, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères de l'Église. C'est là qu'ils sont. Et on voit cette extraordinaire loge, puisque ça s'appelle comme ça, donc cette galerie peinte de cartes du monde à la Renaissance par Raphaël. Et voilà, c'est la diplomatie du Vatican, c'est d'abord et avant tout une vision du monde, une lecture du monde qui est là depuis toujours. À la fois une lecture du monde et qui plus est, un décor pour l'intérieur, puisque on s'en doute, vivre dans une telle situation, un tel décor, c'est être aussi soi-même chargé de cette importance-là. Absolument. Et d'ailleurs, les gens qu'on rencontre, parce qu'on me pose souvent la question, vous êtes une femme, est-ce que c'est difficile ? Pas du tout. Il n'y a pas l'interlocuteur. Est-ce que c'est difficile, vous voulez dire, de poser des questions, d'être voilà, simplement là ? Ou d'être accepté. D'être reçu en interview, d'être considéré comme quelqu'un de sérieux. Oui, parce que ces gens-là sont tellement passionnés par les dossiers qui les habitent, puisque ça fait partie de leur monde. Il n'y a pas d'espace pour une vie privée aussi chez ces diplomates-là. C'est ce que me disait un ambassadeur suédois accrédité au Vatican, qui est une personnalité très intéressante que j'avais rencontré il y a très longtemps, qui était le premier ambassadeur d'ailleurs de Suède accrédité au Vatican, pour dire que les choses vont vite. On pourrait même pas considérer comment la Suède aurait-elle pu ne pas avoir d'ambassadeur. Mais si, il y a 20 ans, c'était le cas. Aujourd'hui, tout le monde a... Chaque pays, parce que c'est intéressant de s'associer à cette mine d'informations qui circule, qui transite à Rome. Donc chaque gouvernement a intérêt à avoir quelqu'un. Et donc cet homme me disait, moi ces gens-là, et c'est aussi ce qu'on m'a dit tout au long de ce documentaire pendant un an, partout où j'ai bougé, notamment à Rome, on m'a dit, mais ce sont des gens qui sont beaucoup plus mieux informés, plus informés que nous, d'abord par leur tradition, le poids du secret, leur formation, etc., mais aussi parce qu'ils travaillent plus. Ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas d'enfants. Voilà. Donc ce sont des gens passionnés qui, encore une fois, quand ils vous ont face à eux, ben, on parle de dossier. Il n'y a pas d'a priori sur les personnes. Mais ce renversement, Constance Colonna Cesari, cette plus grande agglutination des pays voulant mettre un ambassadeur dans cette sphère-là, est-elle liée, je crois que oui, mais je préfère vous poser la question, à la manière dont Jean-Paul II a occupé le poste en son temps et a su fédérer une toute nouvelle relation du Vatican par rapport au reste du monde? Oui, c'est ça, exactement. Jean-Paul II avait une autre vision du rôle de l'Église sur la scène internationale. On l'a su dès son premier discours. N'ayez pas peur, ouvrez les portes du Christ, ouvrez les frontières des États, etc. Donc une volonté d'agir sur le monde qui s'est traduit par une accélération des relations diplomatiques qu'il entretenait, par un plus grand dynamisme pour agir sur la scène des instances internationales à travers les nonces que le Vatican a dans toutes les organisations internationales, pas toujours avec droit de vote, mais en tous les cas avec droit de présence, avec des tickets pour être un observateur. Donc le Vatican a agi sous Jean-Paul II de façon politique, temporelle, sans se cacher. Et ça a permis aussi à tous les autres États de s'enrouler dans cette dynamique et d'avoir des intérêts plus considérables à être présents à Rome, à être associés à cette Église agissante sur la scène internationale. Et c'est vrai que pour l'Église, parce qu'il y a toujours un pendant pour l'Église, aucune action diplomatique temporelle d'un pontificat doit être déconnectée de l'action pastorale ou ecclésiale, parce que ça a des répercussions bien sûr sur cette dimension. Si un pape veut faire de la géopolitique, il va faire des voyages apostoliques dans tel ou tel pays, il va nouer des relations œcuméniques avec telle ou telle religion chrétienne pour se rapprocher d'un État, ou avec telle ou telle religion non chrétienne. Ce qu'a fait Jean-Paul II, ce qu'a initié Jean-Paul II. Donc tout ça donnait un cadre d'action très large qui lui permettait d'asseoir ensuite son action politique. Et par exemple, c'est l'internationalisation du Sacré Collège des Cardinaux. Ça commence sous Jean-Paul II. Dans ce corps électoral, il n'y a plus seulement des Italiens, il n'y a plus seulement des Européens, il y a des gens qui viennent de toujours plus loin, en nombre toujours plus grand. Et ça, évidemment, ça s'accélère encore avec ce pape argentin. Avec le pape François, les diplomates du Vatican ont été replacés tout en haut de l'organigramme de l'Église. En premier lieu, l'équipe de la secrétairerie d'État du Vatican. Cet organe de gouvernement chargé de la politique étrangère du Saint-Siège. À sa tête, le cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin, son substitut, Mgr Angelo Besciu, et Mgr Richard Gallagher. Tous les trois sont des diplomates formés dans la plus pure tradition. Ils ont fait leurs armes sur des terrains ou lors de négociations délicates, qu'il s'agisse du Venezuela, du dossier cubain, des tractations en cours avec Pékin ou encore de l'accord sur le nucléaire iranien. Ces hommes de l'ombre n'apparaissent que très rarement en public. Ils sont présents ici aux côtés des représentants de l'État et du gouvernement italien pour commémorer les accords du Latran. Signé le 11 février 1929 entre le secrétaire d'État de Pie XI et Benito Mussolini, ces accords restituèrent à l'Église l'autonomie territoriale qu'elle avait perdue en 1870. Depuis, elle est assise sur un territoire de 44 hectares, l'État de la Cité du Vatican. C'est tout petit, mais c'est très important parce que ça donne à l'Église catholique une complète indépendance. Le Saint-Siège est reconnu pratiquement par tous les États de la planète et auprès des Nations Unies, à New York, à Genève, à Paris, auprès d'UNESCO et dans d'autres endroits encore. Je viens d'entendre un premier extrait de votre documentaire Constance Colonna Cesari, un documentaire intitulé Urbi et Orbi. Je me suis interrogé sur les négociations que vous avez peut-être dû avoir à entreprendre avec ceux qui vous ont dit OK sur la commande, sachant, et vous l'avez rappelé d'ailleurs dans la première partie de l'entretien, les relations parfois chaotiques entre l'Hexagone et le Vatican, un hexagone extrêmement laïque, pour ne pas dire parfois laïcard, et puis l'intention de présenter un peu l'intelligence stratégique vaticane, sachant que, et vous le rappeliez également avant, les choses ont changé avec Jean-Paul II, mais avec Jean-Paul II, qui a exercé, qui a entraîné en quelque sorte le Vatican dans une nouvelle carrière internationale, il y avait toujours une sorte d'ombre suspecte de prosélytisme plus ou moins justifié, ce qui est franchement moins le cas avec le pape actuel, le pape François, bien que l'intention de faire de la géopolitique internationale, et votre documentaire permettra de le découvrir, est plus que largement assumée, au moins autant que sur Jean-Paul II. Sur le plan de comment arriver à convaincre les partenaires français, est-ce que ça a été facile? De quelle arme avez-vous dû utiliser? Ben, je vous remercie de me poser cette la question. Kalachnikov, parce que, c'est vrai que ce fut une guerre d'usure. C'est vrai que c'est un monde... Alors, télévision, Vatican et diplomatie, on met pas pire dans sa besace. La mayonnaise n'est pas évidente. Voilà. Donc, on sait qu'on aura des difficultés à révéler des choses qui sont secrètes, qu'on va pas vouloir vous montrer parce qu'elles risqueraient de capoter dès lors qu'elles deviennent publiques. Le Vatican, par définition, communique peu. Et comme vous le disiez, il a pas besoin de la France. Là-dessus, il faut être modeste. Vous arrivez à Rome, vous représentez quoi ? La France, évidemment, c'est pas la Pologne. On va pas m'accueillir comme si j'étais avec mon drapeau. Non, on vous accueillera plutôt comme Marianne. Voilà. En même temps, je dois dire que sous ce pontificat, je m'en suis rendu compte parce que j'avais commencé l'enquête pour un livre avant. Il y a une plus grande ouverture ça dans s'est ces détendu. Instances. Voilà, ça s'est détendu. On vous considère pas, par définition, comme un ennemi. Ce qui était le cas sous Jean-Paul II, lorsque la salle du presse du Vatican était notamment gérée par l'Opus Dei. Là, il y avait un climat très désagréable où on vous fichait, où on ressortait ce que vous aviez écrit en telle année, en telle année, en telle année. Où là, c'était désagréable. C'était très suspicieux. Là, on est dans un climat complexe pour les médias, impossible, on va dire, pour la télévision. Il faut se battre sur chaque séquence, avec aussi quelque chose de très désagréable, soit dit en passant, c'est le monopole de l'image du pape qui a été accaparé par CTV, le centre de télévision vaticane. Donc là aussi, c'est de l'argent, c'est du business. Donc là, on laisse de côté ce qui est le catholicisme, le média que je pourrais représenter. On parle chéquier. Et là, c'est le chéquier. Donc, c'est-à-dire que vous êtes battu pour suivre une séquence, un forum avec des gens qui vous semblent importants à la Curie romaine, qui font de la diplomatie sans qu'elle soit étiquetée grande diplomatie, mais justement c'est là que ça se passe. Il y a 2 jours de forum, vous allez rencontrer la terre entière et c'est passionnant. Mais lorsque le pape arrive pour 2 heures à ce moment-là dans cet hémicycle, c'est tant d'euros la seconde. Voilà. Ou alors on vous dit au revoir, vous sortez. Ah oui. Et là, je peux vous le dire, on vous le dit pas très gentiment. Donc voilà, c'est difficile de tourner au Vatican aussi pour le business. Mais ça veut dire que il y a un droit à l'image, c'est-à-dire c'est simplement l'idée de filmer le pape ou ce sont ses propos qui pourraient être. Non, c'est l'image. C'est l'image. Tout, voilà, on sait que c'est quelque chose qui rapporte. Donc CTV, le centre de télé Vatican, qui est né sous Jean-Paul II. Qui s'est organisé un monopole, cette image du pape, voilà, et qui en est devenu jaloux. C'est un peu le problème de la curie, finalement. Ça s'est passé, ces gens-là n'ont cessé, ce sont des fonctionnaires qui prennent le pouvoir. Alors avec les mains à l'italienne, vous nous faites un signe d'harpagon. Voilà, je dis ça à l'auditeur qui ne voit pas les mains de l'invité d'Histoire vivante. C'est ça, et voilà. Et donc, finalement, pour la réalisatrice que j'étais toute cette année à attendre, à mendier, à écrire dans toutes les langues, 36 000 mails pour dire puis-je venir là, comment puis-je vous rencontrer ici, etc. C'était toujours un oui de principe, on va dire des ministres, et un non de principe des fonctionnaires. C'est-à-dire que ça, c'est un cas assez classique, finalement. Voilà. Uh-huh. Ce que vous consentent les ministres que vous avez su convaincre, parce que vous me demandiez sous quel argument. En fait, celui qui m'a servi, mais dont je suis intimement convaincue, c'est-à-dire que j'ai pas menti, je suis allée voir le substitut de la secrétaire d'État, quelqu'un qui s'appelle Monseigneur Béchou, et je lui ai dit, voilà, j'ai ce projet de film sur la diplomatie du Vatican. Je vous en soumets le synopsis. C'est ce que je voudrais faire, montrer, parce que je considère que la communauté internationale échoue actuellement, on le voit bien, elle a plus de poids, elle a plus de voix, et que paradoxalement, la diplomatie vaticane... Par dossier concret... Voilà, la preuve, l'échec de la communauté internationale sur la guerre en Syrie, voilà, avec toutes ces voix, avec tous ces mots d'ordre qu'on a entendus et qui n'ont abouti à rien... voilà, à contrario, la diplomatie vaticane éthique, qui défend des idéaux quand même, c'est son principe, la paix, la justice, le développement. Pourquoi la connaît-on si peu? Et je voudrais simplement la révéler dans sa force, dans ses valeurs, dans son fonctionnement, juste dire aux gens qu'elle existe, parce que je considère que c'est rassurant, finalement, de savoir qu'il y a des gens qui réfléchissent à si long terme. Et il m'a dit oui. Mais ensuite, je vous dis... Mais c'est là que les difficultés ont commencé. Voilà. Il m'a dit oui. Et d'ailleurs, j'appuierai votre dossier pour que toutes ces instances et tous ces monseigneurs dont vous sollicitez des interviews, je dirais que je suis d'accord. Et voilà. Et ça m'a pas empêché d'avoir quelques portes fermées quand même. Voilà, qu'il a fallu attendre. Et attendre parfois des événements de diplomatie. Néanmoins, les gonds étaient un peu moins rouillés, peut-être que si vous aviez eu à faire un nom. Constance Colonna Cesare, je vous propose qu'on poursuive cet entretien demain pour rentrer un petit peu plus dans le contenu de votre documentaire. Urbi et Orbi, à demain donc. Merci. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, avec la collaboration de Christian Morero, Isabelle Barthes, Corinne Rocha, Daniel Zacker, Valérie Dantan, ainsi que l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. La première, il est 14h.